Éclair scintillant, ciel étoilé. Quel est ton chemin, oiseau pressé? Cherches-tu le nid pour reposer? Toi, le goéland, passe dans mon champ, tu sèmes à tout vent tes paroles d'argent. Je parcours la terre, monde effrayé, habillé d'amour, de liberté. Je donne à mes frères, peuple aveuglé, des cœurs pour aimer sans jalouser. Toi, le goéland, passe dans mon champ, tu sèmes à tout vent tes paroles d'argent. Mon amour est comme un océan, constant, éternel, comme le vent. Dans les gorges d'or, vallée du temps, grand fort, il s'écoule lentement. Toi, le goéland, passe dans mon champ, tu sèmes à tout vent tes paroles d'argent. J'ouvre le chemin de vos envies, à vous maintenant la grande vie, la main dans la main, toujours unie. La route à venir s'est embellie. Toi, le goéland, passe dans mon champ, tu sèmes à tout vent